Aujourd'hui, mon destin n'est plus sombre. Grâce à la divine lumière de son regard et son sourire spécial, mon cœur ne s'interroge plus. J'ai compris avec elle que tous les fromages n'ont pas la même odeur. Mais les incrédules trouveront que je raconte ma vie. Enfin, la gloire ne convient pas aux insensés.